Wenken, instrument sacré. Transporté depuis des millénaires à travers le temps qui coule, tu es le cœur de notre mère, la terre. Tu es le souffle de notre peuple. Lorsque tu résonnes jusqu'à mon cœur, tu captures mon esprit pour le faire voyager. Lorsque tu grondes comme le fait le tonnerre, tu redonnes un sens à ma vie. J'ignore par quelle magie tu es né. Une chose, par contre, que je sais, le mystère entoure les mains qui t'ont façonné pour prendre la place qui t'est destinée. Il faut rêver pour pouvoir t'enlacer. Il faut savoir chanter pour te toucher. Tu dois continuer à vibrer pour que la terre puisse danser.